cordage. Demain s'il le faut, ils prendront le large, ils quitteront le port et toutes leurs attaches. Resserre bien tes bras autour de moi. Sénéquier assis, le regard flou, de rêver au bateau qui conduit aux plages. Parfois, à l'été, un amour fait naufrage, le filtre colmaté par un regret sans âge. J'ai tenté de mater par-dessus ton corsage ce que voulait cacher la soie de ton visage. Et ce foulard noué aux couleurs pas trop sages, montrer qui tu étais, tes filles à la page. Je quitterai le port et toutes mes attaches.